Thank you. Parce que c'est pas terrible hein, cette idée comme. Enfin, je veux pas être casse-couille, mais c'est pas terrible comme morceau. Ça devient un peu chiant. Alors, figure-toi que Jean-Pierre, il y a Jean-Pierre, il y a Jean-Pierre 31, et Jean-Pierre 31, c'est le roi de l'orgamon. Jean-Pierre 31, le roi de l'orgamon. Hein, JP? Un morceau, un joint. DJ Jean-Pierre est là ce soir. Non mais, faut pas se moquer. Parce qu'après, moi, après, les gens, ils disent que je suis méchant. Thank you.

Thank you. If you go to Thank you.